bonsoir, bonsoir, bonsoir. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Le principal rôle féminin, c'était Maud de Forest qui devait le tenir. Elle devait chanter et danser, puis finalement, devant le succès, les numéros de danse se sont en réalité faits avec Louis Douglas et Joséphine. Cette semaine, il y a de l'orage dans l'air. Donc la troupe comportait une trentaine de personnes, orchestre compris. L'orchestre, c'était un sept-têtes qui se trouvait sur scène, parce qu'il y avait sans doute un autre orchestre dans la fosse qui, lui, accompagnait certains numéros. Et le petit jazz, puisqu'on appelait ça un jazz à ce moment-là, se trouvait sur la scène et n'intervenait que par intermittence. Smoking de travers. Joséphine s'était fait faire une robe chez Poiret. Cette Joséphine en robe de Poiret, immédiatement, si on peut dire, s'était mise dans le bain. Quand le jazz est là. Histoire vivante, cette semaine, Joséphine Baker. Aujourd'hui, entretien avec Olivier Rouef, chercheur en sociologie au Centre national de la recherche scientifique. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio, télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Olivier Rouef, je suis chercheur au CNRS en sociologie. J'ai travaillé longtemps depuis la thèse de doctorat et quelques années plus tard sur la sociologie et l'histoire de la musique et des métiers artistiques en France, en m'intéressant notamment à tout ce qui est métier qui soit ni artiste ni public, pour le dire comme ça, tous les intermédiaires, les producteurs, les impresarios, les critiques, les managers, les programmateurs, etc., etc. Tous ceux sans qui les musiciens, en l'occurrence, n'auraient aucun espoir de pouvoir se faire entendre. Voilà, et sans qui les publics n'auraient aucun espoir d'entendre les musiciens. Donc c'était l'idée de ce travail-là, qui a duré pendant 15-20 ans. Et donc la thèse a porté sous cet angle-là, sur l'histoire du jazz en France et l'histoire des différentes formes du goût pour le jazz en France. Vous-même musicien ? Alors oui, je suis musicien. J'aurais dû parier. Ça, quel instrument, quelle musique ? Un saxophone, un peu de tout. Le jazz ? Alors j'ai été très amateur de jazz jeune. Mais lequel ? Le perverti ou le hot jazz de l'époque, l'ancien ? Alors j'ai commencé ado avec le hot jazz. Et puis je crois que j'ai fait, comme c'est souvent le cas, j'ai fait tout le parcours jusqu'au jazz le plus perverti, puisque j'ai pratiqué beaucoup les musiques improvisées, dont certains estiment que c'est plus du jazz, y compris des praticiens de l'improvisation. Mais voilà, en étant ouvert à tout. C'est curieux, parce que en vous entendant, il me vient à l'esprit qu'il n'y a jamais eu de traduction du free jazz. On ne dit pas du tout en français le jazz libre, ça paraîtrait... Free jazz, c'est ce qui s'est finalement imposé. Ça s'est imposé, mais avec des débats, en fait. Parce que dans les années 70, et du coup encore aujourd'hui, des gens ont estimé, et ça a un lien avec l'histoire dont on va parler ensuite, ont estimé qu'il valait mieux parler de musique improvisée européenne. Avec cette idée que le free jazz, ça renvoie au jazz, donc ça renvoie à des origines... noire ou africaine, en tout cas noire, et que soit par respect, soit par croyance forte en l'idée qu'il existe des cultures au moins nationales différentes, il fallait mieux laisser free jazz aux Africains américains, et quand on en faisait, en étant européen et blanc, parler de musique improvisée européenne. Olivier Rueff, quel public vous lit ? Le savez-vous ? Alors, rarement. ça dépend des registres et des formats. Pour l'essentiel, ce sont des collègues qui me lisent, donc pas grand monde. Donc c'est entre vous. C'est entre nous. Mmh. Et puis il y a des formats qui sont plus accessibles et qui sont plus diffusés. Donc ça passe souvent par des présentations orales, mais en termes d'écrit, j'ai pu faire des petits textes... dans mon monde, on appelle ça de la vulgarisation. J'aime pas trop ce terme-là, évidemment. Est-ce que derrière le terme vulgarisation, il y a un autre mot qui est tapis et fort à la mode, qui aurait registre avec le populisme ? Il y a évidemment des débats là-dessus, et c'est un langage que certains emploient pour dire que c'est pas bien. parce que c'est une sorte de compromission, voilà. Mais là où il y a des débats assez vifs, c'est sur le type de vulgarisation qui est exigé par les institutions de tutelle, et notamment ceux qui financent nos recherches, où là, c'est de la vulgarisation immédiatement instrumentale, et si possible instrumentale, pour les institutions elles-mêmes, pour le dire un peu grossièrement, plutôt pour les dominants. Et du coup, là, ça peut poser problème, parce que le but de la science, c'est d'abord de faire de la science, et dans un second temps, de pouvoir être rendu accessible et utile pour d'autres activités. C'est le vieux débat recherche fondamentale, recherche appliquée, en fait. Il y a de plus en plus de tutelles, de financeurs, qui ont du mal à comprendre ça, dans un monde où tout doit aller vite, et où les fonctionnaires, les chercheurs, les intellectuels, les artistes sont plutôt considérés comme des gens qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'on ne voit pas de résultats sonnants et trébuchants dans l'immédiat. Dans votre domaine, c'est aussi quelque chose que vous croisez. Qui est très très prégnant. Très prégnant. Beaucoup de réformes des mondes de l'université et de la recherche, pas qu'en France, dans toute l'Europe et un peu dans le monde, mais en tout cas en Europe, c'est les mêmes politiques en fait qui sont mises en déclinées dans toute l'Europe. Européenne, précisément. Européenne. Réforme de Bologne, pour ne pas les nommer. Voilà, c'est ça. Et en Suisse, c'est pas le même mécanisme, mais la même chose se passe. C'est très prégnant et très inquiétant, en fait, concrètement. Il devient difficile. Pour donner un exemple, moi, j'ai changé de thème de recherche. Et cette année, je reviens d'un an passé en Inde pour faire un terrain ethnographique dans une petite ville du sud du Karnataka. J'ai fini par décider de ne demander aucun financement. Donc j'ai fait ce terrain-là sur mon salaire, ce qui est... Du coup, comme je suis fonctionnaire, ça veut rien dire, en fait fonctionnaire ou pas, c'est pas comme si je l'avais vraiment payé de ma poche, mais disons que j'ai pas voulu. J'ai pas demandé une bourse supplémentaire. J'ai pas demandé de financement supplémentaire, justement pour ne pas avoir à rendre ce genre de compte dans l'immédiat, puisque là, moi, je voulais faire un terrain de long terme, avec cette idée qu'il y a certains objets, certains thèmes qui peuvent se traiter assez rapidement, ça peut exister. Et il y en a d'autres, il faut des années, en fait, pour s'imprégner. Là, typiquement, dans une petite ville du sud du Karnataka, il m'a fallu bien un an pour commencer, pour construire des repères, et je ne sais pas encore bien ce que j'ai ramené, mais ce sera un deuxième séjour, plus court probablement, qui me permettra de préciser des choses, d'y revenir, et je conçois ça comme un terrain qui fera ma deuxième partie de carrière, des 20 ans à venir, sans consacrer à ce terrain-là. En lien avec la musique, également ? Alors non. C'est sauf hasard qui fera que dans 20 ans il y a beaucoup de choses peuvent se passer, mais a priori non, c'est d'autres thématiques qui sont aussi liées aux intermédiaires, donc à ces gens qui mettent en relation des gens qui produisent des choses et des gens qui les reçoivent, mais plutôt du côté de la politique et de l'action publique. Histoire vivante. Cette semaine, Joséphine Baker, suite de l'entretien avec Olivier Rouef, chercheur en sociologie au Centre national de la recherche scientifique. Olivier Rouef, nous allons parler toute cette semaine de la revue Nègre, et c'est avec vous que nous allons démarrer le bal, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut peut-être déjà faire les présentations ? Qu'est-ce que la revue Nègre ? C'est un spectacle de music hall qui a d'emblée beaucoup de particularités dans l'espace du music hall, qui est très très singulier. C'est un spectacle de music hall qui déjà est joué au Théâtre des Champs-Élysées. Le Théâtre des Champs-Élysées, c'est un théâtre plutôt chic, c'est pas un music hall, qui a été rénové et embelli et qui a eu un grand succès en 1913, quand il a ouvert avec la création du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. La moitié des fauteuils y sont passés. Voilà, il y a eu un grand scandale qui a assuré le succès de cette salle. Succès relatif, puisque ça reste une salle qui restait sur l'avant-garde, en gros, qui, de ce fait, a rencontré des problèmes financiers. Donc en 1925, la salle est revendue et rachetée par, me semble-t-il, j'espère ne pas me tromper, Rolf de Marais, qui est le créateur des ballets suédois. Donc en tout cas, pour relancer cette salle, il y a l'idée de pas seulement s'adresser à des artistes savants, de l'avant-garde savante. Donc essentiellement, ils se sont fait beaucoup connaître avec les membres de l'avant-garde dite le groupe des six, Darius Milhaud notamment. L'autre idée, c'est de poursuivre cette veine justement primitiviste. Le Sacre du Printemps, aujourd'hui, on le voit comme une œuvre musicale exclusivement. On sait que c'est les ballets russes, donc des fois, c'est rejoué et recréé avec en essayant de reproduire cet effet que ça a eu à l'époque. C'est à la fois une musique très axée sur le rythme et très heurtante, très saccadée, et une chorégraphie qui à l'époque était vraiment très nouvelle, qui était très très loin de la grâce élégante et liée des ballets classiques du Lac des Cygnes en général. Donc c'est l'exemple qu'on donne entre Casse-Noisette et le Lac des Cygnes. Et le Lac des Cygnes, là on a du Nijinsky, du Diaghilev, et les corps explosent et sautent dans tous les sens. Voilà, et c'est ça, très très heurté comme ça. Et tribal, c'est le très bon terme, c'est-à-dire que c'est vraiment l'intention souhaitée, l'intention de mettre en scène un rituel slave, un rituel primitif slave de sacre du printemps. C'est très littéral. Il s'agit de puiser musicalement à des folklores slaves, essentiellement russes, on dirait aujourd'hui, d'où cette innovation, notamment rythmique, et pour la chorégraphie, pareil, d'avoir un aspect tribal. L'autre idée, c'est, en termes de spectacle total, c'est que les artistes doivent travailler ensemble pour que tous les effets scéniques soient coordonnés les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de d'abord créer une partition, puis ensuite on la met en scène, on trouve un décor, etc. Il s'agit que tout soit pensé en même temps. Et le principe qui relie tout ça, le primitivisme, l'aspect tribal, principe de coordination de tous les effets de scène dans cette idée des spectacles total, c'est la notion de rythme. Par la coordination rythmique, par le fil rythmique des danses, de la musique et des changements de décor, on va trouver une dynamique. C'est comme si l'intrigue des opéras classiques était remplacée par une dynamique qui n'est plus dans le sens rationnel, c'est comme ça que c'est catégorisé à l'époque, dans le livret, mais qui est dans le rythme lui-même. C'est ça qui fait le séquençage et la dynamique de l'œuvre. Théorisée comme une catégorie qui renvoie au corps plus qu'à la raison et qui renvoie aux origines de l'humanité avant que la civilisation fasse passer l'humanité du côté justement de la raison. Il y a des oppositions très fortes qui se construisent à cette époque-là. Il y a des théorisations de l'opposition par exemple entre le rythme et la mesure. Le rythme, ce serait quelque chose de vivant, de corporel, et la mesure, donc cette marque graphique qu'utilisent les compositeurs pour séquencer rythmiquement les œuvres, pour écrire, serait le produit de la raison occidentale, etc. Donc autour de la catégorie de rythme, tout ça s'entremêle et fait fortement sens. C'est quelque chose qu'on ne voit pas seulement s'opérer, d'ailleurs, Olivier Rueff à Paris, parce que si l'on songe à une œuvre cousine du Sacre du Printemps, en l'occurrence le Mandarin merveilleux de Bartok, on a presque l'impression, note pour note, par moment en tout cas, qu'on est exactement sur les mêmes registres. Et pourtant, on ne va pas construire forcément, tout au moins à ma connaissance, ce type de projet scénique avec le Mandarin merveilleux, lors qu'on le fait avec le Sacre du Printemps. Comment on pourrait expliquer le fait que ça se passe à Paris, à ce moment-là, et pas forcément autre part? Je pense que je n'ai pas toutes les réponses, mais une des réponses, c'est que c'est vraiment cette histoire des avant-gardes européennes, qui existent dans tous les pays européens. Allemagne, Italie, Mais à l'époque... Russie, évidemment, enfin l'URSS. Tout à fait. Et simplement, à l'époque, Paris est considéré comme le centre où tout se passe. Paris fait aimant. Et donc, en gros, quand on a du succès dans son pays, on pense, des fois on le fait, aller s'installer à Paris pour être au plus près de là où ça se passe. Donc, il y a une aimantation qui fait ça. Et d'autre part, donc, il y a ces débats esthétiques qui alimentent la succession des avant-gardes autour de cette idée de spectacle total. C'est quelque chose qui est un peu oublié, y compris par les historiens de l'art, alors que c'est vraiment, me semble-t-il, très très structurant. En gros, beaucoup des artistes, depuis Baudelaire, qui est considéré comme le premier à avoir défini les normes de l'art moderne, et par la suite, il y a une fascination vraiment pour les arts populaires, précisément en ce qu'ils sont très doués pour faire feu de tout bois, puisqu'il ne s'agit pas d'être hyper élégant, de répondre à des normes, etc. Il s'agit d'en mettre plein la vue au récepteur, et donc on utilise tout ce qui est bien. Et donc on peut avoir une puissance d'évocation esthétique extrêmement forte. C'est toute l'histoire du musical, en fait, qui en vient à synthétiser différentes traditions de spectacles, spectacle chansonnier, spectacle de équestre, etc., autour d'un dispositif extrêmement ouvert. Il n'y a pas vraiment de définition d'un spectacle de musical de l'époque. La seule définition serait par défaut, c'est que c'est une sorte d'usine à recyclage de tout ce qui marche. Et donc il y a beaucoup d'artistes qui sont fascinés par ça. Et ça s'accélère très précisément en 1910-1911, avec une succession d'avant-garde, donc notamment par l'aiguillon des futuristes et des manifestes futuristes qui viennent d'Italie, qui s'installent pour certains à Paris, ou en tout cas qui publient très vite à Paris, avec un manifeste en 1913, la même année que le Sacre du Printemps, qui porte précisément sur le musical. Ensuite, un événement important, c'est 1917, enfin une année importante, c'est 1917. Non, pas qu'en politique et en histoire, donc vous voulez dire, c'est également dans le musical. Également dans le musical, et en fait ces circulations en réalité entre musical et avant-garde, c'est ça l'idée. C'est d'une part, bon, il y a l'arrivée des troupes états-uniennes, donc des soldats africains-américains, donc des orchestres militaires africains-américains, donc du jazz. On n'appelle pas ça encore jazz, mais des jazz bands. Donc ça, c'est pas anodin. Mais de l'autre côté, il y a le spectacle Parade. Éric Satie, Cocteau. Voilà, Picasso. Donc c'est vraiment le lancement de la jeune avant-garde, de la nouvelle avant-garde du moment. Et Parade, c'est un spectacle expérimental, très savant, mais qui est calqué sur le format du musical, qui est avec des personnages burlesques, avec un... Voilà. Bon, et pour terminer, 1917, c'est aussi la revue Laisse-les tomber au Casino de Paris, qui inaugure un nouveau format de spectacle de musical qui est appelé la revue à grand spectacle et qui en fait emprunte assez précisément à cette idée de spectacle total des avant-gardes autour de cette idée que le musical ça marche parce que c'est une usine à recyclage de tous les numéros qui marchent, mais quand même ce serait encore plus efficace si on instaurait une sorte de fil conducteur du début à la fin du spectacle, donc avec une petite histoire qui est surtout un thème plus qu'une histoire, un prétexte, mais surtout une meneuse de revue, et d'autre part une place beaucoup plus importante accordée à la musique et à la danse pour structurer toute la dynamique du spectacle. La revue nègre en 1925, ça va être la synthèse d'un peu tout ça. Un spectacle flamboyant se prépare à rejoindre New York. Une comédie musicale qui s'appelle Shuffle Along. À lui seul, ce nom constitue un éloge de la nonchalance des Noirs, on pourrait traduire par « on n'en finit pas d'aimer, de se traîner ». On n'a jamais vu ça. Une troupe entièrement et exclusivement noire à Broadway, dans un spectacle écrit, composé et mis en scène par un duo de noirs, Noble Cecil et Hubie Blake. Comme il était d'usage, la comédie musicale s'était rodée dans d'autres états avant de parvenir à Philadelphie. Des ajustements restaient à faire, quelques petits rôles à pourvoir, mais deux mots prononcés par Noble Cecil arrêtent net Josephine Baker dans sa tentative d'audition, trop jeune. En quelques mois, Shuffle Along connaît un succès phénoménal. Pour répondre à toutes les demandes des villes, une troupe bis est constituée. Du haut de ses 15 ans, Josephine tente sa chance et se voit octroyer la fonction d'habilleuse. Sa volonté et son intuition la pousse alors à apprendre tous les chants et toutes les danses du chorus, au cas où. Parmi toutes ces girls, se dit-elle, il y en a bien une qui finira par tomber malade. Et voilà qu'un soir, Une girl désarticulée, prise de vertige, titube sur la scène. Elle a dissimulé sa grossesse autant qu'elle a pu. Le lendemain, aux louanges habituelles consenties par les critiques, s'ajoutent l'espièglerie, le sens incroyable du rythme, la drôlerie irrésistible de la jeune fille qui louche, et les utilisera très longtemps ce jeu des yeux qu'elle cultivera jusqu'à Paris. Ce matin de 1925, il pleuvait. La gare Saint-Lazare déversait son flot de banlieusards tristes et pâles. Subitement, les voyageurs affairés se figèrent sur place. Sur le quai, descendant du train Le Havre-Paris, un petit monde agité, bruyant, multicolore, porteur d'instruments bizarres, riait aux éclats. Des jupes rouges, vertes, safran, des blue jeans framboises, les chemises à large damier ou à pois, ensoleillaient soudain la grisaille. D'invraisemblables chapeaux crème-orange, coquelicots, surmontent 30 visages d'ébène aux grands yeux rieurs et turbulents. Sous un bibi extravagant, en salopette de jardinier à carreaux noirs et blancs, une jeune femme longue et souple se détachait du groupe bariolé, s'avançait vers nous, and so this is Paris. André Davant, directeur en 1925 du Théâtre des Champs-Élysées. Disons, la Revue Nègre a été imaginée par André Davaine. Daniel Nevers, historien du jazz. Et il se trouve qu'avec Rolf de Marais, ils avaient vu des revues de ce genre justement aux États-Unis. Ils se sont décidés à en monter une en France. André Davaine est parti aux États-Unis. Il s'est adressé à Caroline Dudley, qui était une spécialiste de ce genre de spectacle. On a demandé les chansons à un compositeur qui était vraiment un vrai professionnel, Spencer Williams. Et il y avait en vedette, non pas Joséphine Baker, parce que a priori elle n'était pas la vedette du spectacle, elle l'est devenue par la force des choses, enfin parce qu'elle a su s'imposer. Elle avait été engagée, je ne dirais pas pour jouer les seconds couteaux, ça serait méchant, parce qu'elle avait un rôle quand même important, mais le principal rôle féminin, c'était Maud de Forest qui devait le tenir. Elle devait chanter et danser, puis finalement, devant le succès de sa rivale, elle s'est retranchée dans son coin, elle a chanté ses spirituels tranquillement, et puis les numéros de danse se sont en réalité faits avec Louis Douglas et Joséphine. Louis Douglas, le danseur à claquettes, qui était paraît-il un grand spécialiste. Malheureusement, on n'a pas de documents le concernant, de documents filmés par exemple, pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc la troupe comportait une trentaine de personnes, orchestre compris. L'orchestre, c'était un sept-têtes qui se trouvait sur scène, parce qu'il y avait sans doute un autre orchestre dans la fosse qui, lui, accompagnait certains numéros. Et le petit jazz, puisqu'on appelait ça un jazz à ce moment-là, se trouvait sur la scène et n'intervenait que par intermittence. Histoire vivante, cette semaine, Joséphine Baker. Suite de l'entretien avec Olivier Rouef, chercheur en sociologie au Centre national de la recherche scientifique. La Revue Nègre est devenue une sorte de lieu de mémoire. C'est un événement dont on parle, la preuve, encore aujourd'hui, un événement culturel. Il est difficile de ne pas en parler quand on parle des années folles, quand on parle de l'entre-deux-guerres, quand on parle de ce genre de thématiques. Et c'est intéressant de dire ça parce que donc la figure de Joséphine Baker du coup apparaît immédiatement. Et en général, les images de Joséphine Baker, qui sont celles de ses prises, en fait pas pendant cette Revue Nègre de 1925, mais plutôt dans des films qui ont été tournés ensuite, sont reprises comme une incarnation, y compris par clin d'œil très rapide, de ce que c'était que l'esprit de ces années folles. Et notamment parce que Joséphine Baker, sur ces images-là, est à la fois une sorte de paroxysme de sauvageonne, on disait pas ça à l'époque, donc elle est plutôt nue, elle est avec une ceinture de banane, ce qui n'était pas le cas pour la Revue Nègre, c'est dans un film ultérieur. Elle a souvent des mimiques loufoques, voilà. Et sur d'autres images, c'est que ça, mais il y a pas mal d'images où c'est à la fois les deux. Elle a les cheveux courts, et en fait c'est un paroxysme de la garçonne, qui est comme une sorte d'image de la féminité des années 20, avec toutes ses ambiguïtés, est-ce un homme, est-ce une femme, d'androgynie, de modernité, de renouvellement en tout cas des figures de féminité possibles. Donc à l'époque, en fait, il existe tout un tas de débats sur la féminité. En gros, on est quelques années après les mouvements des suffragettes, l'accès au vote. Il y a de plus en plus de femmes de la bourgeoisie qui accèdent à certains métiers qui étaient exclusivement réservés aux hommes. De plus en plus, ça reste très très très minoritaire, mais en tout cas, c'est très visible. En fait, ce terme de garçonne est popularisé en 1922 par un roman de Victor Marguerite qui, à la surprise d'un peu tout le monde, fait un succès fou. Ça s'appelle La Garçonne. C'est un auteur, Victor Marguerite, qui est un féministe modéré, mais avec des idées vraiment réellement féministes, qui promeut l'union libre, par exemple, à l'époque, et l'égalité entre hommes et femmes. La chose principale, c'est qu'on est dans un... Avant la Première Guerre mondiale, en gros, il y a une intensification des guerres coloniales et on est dans la mise en place, depuis les années 1880, la mise en place de ce qui s'est appelé les politiques de l'indigénat. C'est-à-dire l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'exploiter les ressources des colonies, il faut aussi les administrer. Et ça veut dire prendre en charge, s'occuper en tant que gouvernement des populations, donc s'intéresser aux populations. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que la Première Guerre mondiale voit arriver sur les sols européens, en France métropolitain, des troupes coloniales, et donc une quantité inégalée, puisqu'il y avait déjà des individus, des colonies qui circulaient en France métropolitain. De gens qu'on n'avait encore jamais vus. De gens qu'on n'avait encore jamais vus. Des types qu'on n'avait encore jamais vus. Voilà. Ouais. Et ils ne sont pas blancs, et ces pas blancs sont... soit ressortissants des colonies, donc il y a plus de troupes qui sont issues des colonies asiatiques que des colonies africaines, mais il y a aussi des ressortissants des colonies africaines, soit ils sont membres, enfin militaires, soldats au sein de l'armée états-unienne. Il y a des régiments noirs, avec tout un tas de polémiques, puisque les grands régiments noirs passeront sous commandement français, puisque les États-Unis veulent pas... Voilà, il y a des discriminations, il y a tout un tas de débats. Bon. C'est pas sans intérêt, puisque c'est aussi un moment où l'image de la France comme colorblind, disent les États-Unis, donc aveugle à la couleur, ou indifférent à la couleur, de la France se construit et même utilisé diplomatiquement par le gouvernement français contre le gouvernement américain dans les négociations, puisque en gros des députés français à ce moment-là prennent position publiquement pour dire c'est un scandale, le traitement des soldats noirs dans l'armée américaine est un scandale, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc ça, les ressortissants africains américains s'en souviendront. Dans tous les journaux africains américains des États-Unis, on en parle. Ce sera un facteur important de l'intérêt pour le petit sujet qui nous concerne des musiciens africains-américains pour la France, pour s'installer même pour certains en France. Ce que Josephine Baker, quand elle arrive en France, trouve à Paris, passe en lien avec ça, avec l'idée que tout d'un coup, ces gens-là, à partir de 1917, ont le droit de jouer devant des publics blancs et sont même applaudis, sont même très bien payés pour ça, beaucoup plus qu'aux États-Unis, et sont applaudis, respectés par les musiciens blancs. Nous retrouverons demain Olivia Rueff et poursuivrons en sa compagnie l'évocation de Josephine Baker et de la Revue Nègre. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.